Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission ici à Radio Fadjet. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Jean-Paul, bonjour. Bonjour Johnny. Comment ça va ? Eh bien ça va bien, tu as vu cette température là ? Ah oui, c'est vrai qu'il fait chaud. Est-ce qu'on est prêt pour aborder des sujets passionnants sur le monde, sur l'actualité avec Oxfam aujourd'hui ? Ben évidemment, il y a quelque chose qui se passe au-delà de cette petite chaleur cet après-midi. L'actualité est un peu plombée, je trouve, actuellement, avec ce qui se passe du côté de Gaza. Comme tu sais, chez Oxfam, on a un mot qui revient régulièrement, il est trop tard pour être pessimiste. Tu as retenu cette petite expression ? Oui, oui, en effet. Moi, je trouve qu'elle est extra parce qu'elle est permanente, en fait. Et on va essayer de garder le sourire et... malgré tout ça. Et... donc au sommaire aujourd'hui, on va rebondir sur notre première émission. Sur la fast fashion. Sur la fast fashion qui a et lieu. Sur le second hand September. Et que la fast fashion, sauf erreur, est en ce moment à Paris. Oui, c'est ça, la Fashion Week. La Fashion Week, voilà, cherchez. Mais oui, on va continuer un petit peu parce que notre propos aujourd'hui, c'est de dire que le groupe local Oxfam travaille en réseau. Et particulièrement avec nos amis de Greenpeace, pour ne pas les nommer. On avait déjà monté avec eux l'affaire du siècle, qui avait recueilli un nombre incalculable de signatures en l'espace de 24 heures. C'est la pétition qui a marché formidablement en très peu de temps. Et, Oxfam et Greenpeace, les responsables à Paris, étaient très, très contents de cela, de mettre le gouvernement français au pied du mur. Maintenant, en allant sur le site Oxfam France, on a toujours l'actualité, une veille sur cette mise en accusation du gouvernement français. Mais là, je m'égare, là, Violi. Un peu, oui. Le réseau, donc Greenpeace, mais aussi d'autres, comme on a cité lors de la première émission, avec un agenda à venir, on fait l'émission, parce qu'on prépare toujours des choses d'avance pour le mois de novembre. On sera aux côtés de Greenpeace pour ce fameux Black Friday, pour revenir à cette question de la fast fashion. Et la surconsommation. Et la surconsommation. Et en deuxième partie d'émission, je voudrais remettre en avant cette déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quand même fondatrice en 1948 avec l'ONU naissante, mais aussi Oxfam, bizarrement, qui est née à ce moment-là. Donc on a un rapport étroit et régulier avec ces notions de solidarité internationale qui sont une valeur à restaurer régulièrement, si on peut dire, avec des gros guillemets, et voire bafouer, voire... maintenant, on parle plus d'accords bilatéraux ou binationaux. Enfin, les pays s'arrangent entre eux. Je te vends mes hélicoptères contre du pétrole ou je ne sais pas quoi. Et cette solidarité, cette communauté internationale, elle est vraiment à questionner. Et toi, Yoni, du haut de tes 18 ans, j'aimerais bien avoir ton avis là, sur comment tu vois le monde de demain ou d'après-demain avec ce marqueur, parce que ça doit pas être un cheval de Troie pour le néolibéralisme. Alors je pense que en soi c'est sûr que la vie sera plus difficile maintenant qu'il y a un changement climatique, mais après peut-être vu qu'il y a une nouvelle génération dont je fais partie, peut-être certaines personnes vont trouver des solutions à tout ça, etc. Ensemble. On pourra en parler un peu optimiste en deuxième partie d'émission. Eh bien, allons vers le prolongement de notre fameux Second Hand September, qui était le propos de l'émission précédente. Alors, en continuation du Second Hand September, j'aimerais vous parler de la Fashion Week de Paris, qui a lieu en fait cette semaine et qui présente du coup les dernières collections hiver, automne, etc. Donc la Fashion Week de Paris, cette semaine, présente les dernières collections de haute couture, mais elle a un impact environnemental important et significatif. Chaque année, cette industrie génère d'importantes émissions de carbone, principalement dues aux déplacements en avion des stars et des designers, totalisant environ 241 000 tonnes de CO2, qui sont surtout dues au vol, en fait. En plus de ces déplacements, les logements, les voyages entre les villes et le transport du coup, des collections en elles-mêmes contribuent à cet impact. La Fashion Week de Paris est l'une des plus fréquentées, attirant 70 000 clients et designers contre environ 45 000 pour celle de New York. Cependant, certains acteurs de l'industrie de la mode se mobilisent pour lutter contre le changement climatique. C'est le cas de la styliste britannique Vivienne Westwood qui aujourd'hui est décédée. qui par exemple s'engageaient activement pour la cause, portant des messages sur des vêtements et soutenant des ONG telles que Cool Earth. La Fédération de la Haute Couture et de la Mode a récemment lancé deux outils d'éco-conception pour aider les maisons de couture à réduire leur impact environnemental, social et économique. Le premier outil concerne l'organisation des événements, offrant donc la possibilité de calculer et d'optimiser l'impact environnemental et social des défilés et des autres manifestations. Le second se concentre sur les collections permettant d'évaluer l'engagement en matière de responsabilité sociale des entreprises et la performance environnementale des tissus utilisés. Ces outils sont développés en collaboration avec l'Institut français de la mode et sont en phase de test auprès de plusieurs hautes maisons de couture, et la fédération elle-même s'engage à réduire son impact environnemental en utilisant des moyens de transport écologiques et en recyclant les déchets et matériaux utilisés lors des semaines de la mode. Par exemple, je voulais juste ajouter que à la Fashion Week de Paris, par exemple, il y avait des bus qui amenaient les gens vers des différents points, alors que souvent, les années précédentes, c'était en taxi privé, etc. Grand taxi à 6 roues. Bon, excellent. Du coup, voilà. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, si tu as entendu d'autres choses sur la Fashion Week également. Non, je t'ai laissé œuvrer, Yoni, pour cette émission. D'accord. Moi, à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing là-dessous? Eh bien, c'est fortement possible parce que les marques comme Louis Vuitton, etc., s'engagent, enfin, surtout Louis Vuitton, j'avais vu un reportage, s'engagent à recycler tous les matériaux après pour les défilés. Mais des fois, c'est rarement le cas, ou alors, c'est pas trop recyclable, etc. Mmh. Et du coup, il y a une partie aussi de greenwashing. Bon. Mais bon, des efforts sont quand même faits. Bon, tu es ravi d'apprendre que la France est pionnière en matière de mode et de fringues, de haut vol. Le pays de Yves Saint Laurent et Louis Vuitton, oui, etc. Oui. Et des quelques capitaines d'industrie, pour ne pas les nommer, qui ont repris la main sur la mode, façon de parler. Eh bien, merci Yoni pour ces... On a appris des tas de choses sur l'équivalent CO2 des avions. Effectivement. Mais au-delà de ça, Yoni, je voudrais aussi, quand on a préparé l'émission, j'ai pensé à un reportage que j'ai vu, je pense que c'était passé à la télévision peut-être l'année dernière, sur ce qui se passe en Angleterre, sur des collections qui sont... Je pense plus à des groupes comme Zara ou H&M, qui font du pas cher, qui font de la fringue à 15 ou 5 euros. Et puis maintenant, il y a un groupe chinois qui s'est mis là-dessus. Shein, oui. Shein, qui ai-je appris, travaille à perte. C'est ça qui est dingue. Juste pour embêter les Européens, Zara et H&M. C'est-à-dire qu'il veut s'imposer comme la troisième puissance, ou la première puissance en tant que fabrication de fringues pas chères et populaires, bon marché. Et ça, c'est une catastrophe terrible. C'est vrai. Alors, là où c'est malin avec les Anglais, c'est qu'eux, ils copient les derniers... Ce qui se passe à Paris, par exemple, en termes de tissus colorés ou dernières créations des créateurs français, par exemple, et... Il les copie, mais bon, il y a un copyright, il les modifie un petit peu, mais la couleur est là, la trame est là, mais c'est fait dans des tissus, c'est fait très rapidement, c'est fait en échantillonnage à Londres, enfin, ou en tout cas en Grande-Bretagne, pour repartir ensuite dans des pays, en Chine, ou au Bangladesh, ou peut-être plus proche de nous, en Tunisie, Turquie ou autre. Pour alimenter ce marché de très, très bas prix. Et les gens sont bluffés parce que ça ressemble fortement aux dernières tendances de mode, quoi. Et ils ont ça à 15 euros, quoi. Oui. Mais la qualité n'est pas la même. Exactement. Mais ça, c'est une bombe à retardement à nouveau, quoi. C'est à nouveau les droits humains fondamentaux bafoués, c'est de l'eau consommée à outrance. Et ce qui me fait la peine, effectivement, c'est qu'à Paris, ça initie, c'est l'eau du panier, je dirais, et derrière, il se passe encore, ça a des conséquences, quoi. C'est vrai. Et avant de poursuivre la suite, ne ferait-on pas une petite pause musicale? Elle s'impose. Oui. À tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Skyfall. On revient après avoir écouté Skyfall de Adele et nous allons continuer l'actualité encore une fois sur le monde de la mode, mais dans une actualité plus liée aux droits humains, notamment des mannequins. J'ai déniché une nouvelle sur les réseaux sociaux et une enquête par le magazine Times qui choque le monde de la mode. Oui, qui fait froid dans le dos, Yannick. Tout à fait. Des agences de mannequins recruteraient des jeunes femmes sud-soudanaises dans un camp de réfugiés situé dans le comté du Turkana au Kenya. Le camp d'immigrés compte plus de 280 000 personnes aujourd'hui. Donc c'est comme une ville en fait. Et ses habitants ont fui notamment les guerres, les violences, les agressions et vivent dans une pauvreté inimaginable, donc très très grande. Là-bas, plus de la moitié des réfugiés sont sud-soudanais et pour certaines agences de mannequins, cela semble être du pain béni. Mais pourquoi allez-vous vous dire? Parce que ces jeunes filles sont faciles à recruter et à renvoyer si elles ne conviennent plus dans la mode. Incroyable. C'est le cas de Achol Malaou Jaou. La jeune femme de 23 ans explique au Times qu'elle a passé des mois à s'entraîner à marcher en talons dans le camp. En février 2023, à sa plus grande joie, elle est arrivée en Europe pour défiler. Après 5 mois de défilé et de vie de mannequin qu'elle qualifie de merveilleux, elle a été renvoyée au point de départ sans le moindre sou. D'autres modèles seraient quant à elles revenus au Kenya endettés et devraient plusieurs milliers d'euros à leur agence. Celle-ci avance donc les frais d'hôtel, les billets d'avion, les visas, et les jeunes femmes qui n'ont plus assez de contrats avec les marques ne remboursent pas leurs dettes et donc doivent retourner au point du départ. Mais pourquoi ces agences européennes vont-elles recruter des modèles dans un camp de réfugiés au Kenya ? Il faut savoir que la mode est une affaire de tendance. Parfois, ce sont les mannequins de l'Europe de l'Est qui sont en vogue, notamment dans les années 90. Parfois, ce sont les Asiatiques et en ce moment, tout le monde s'arrache les Sud-Soudanaises. Chacun rêve de dénicher sa Aweng Adechwol, une supermodèle sud-soudanaise qui est passée par le camp Kakuma. Pour dénicher la perle rare, les agences européennes comme Select Model font appel à des agences africaines comme Isis Models, qui vont sur place pour caster des jeunes filles et envoient les profils les plus prometteurs en Europe. Vous allez me dire, sur le papier, cela ressemble au rêve américain. Une fille pauvre qui a grandi dans des camps qui finit par défiler à Paris, Londres ou New York et qui réussit à sortir toute sa famille de la misère. Concrètement, ça se finit souvent mal avec un retour à la réalité brutale et des grosses dettes, même si les agences affirment le contraire. Je vais vous parler rapidement de ce que disent les deux agences concernées, donc Isis Model et Select Model. Beaucoup de nos mannequins sont des réfugiés. Nous travaillons en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour s'assurer que toutes les mannequins sont en sécurité lorsqu'elles quittent les camps. Nous sommes plus qu'une agence, nous considérons nos mannequins comme une famille. Très très ironique. Et de son côté, l'agence européenne se dit attristée par ces accusations car nous n'avons jamais fait quelque pression, que ce soit pour un remboursement des dépenses engagées ou avancées au modèle. Si elles ne sont pas satisfaites, elles sont libres d'être représentées par une autre agence. Affolant, Yoni. C'est de l'esclavage moderne, vraiment. C'est et oui, et en affolant. Fait, pour conclure, je vous dirais que ce qui choque et horrifie le plus, c'est qu'encore une fois, on a la preuve que le corps et la vie des Africains noirs et pauvres ont si peu de valeur aux yeux du monde. Aller chercher des jeunes filles dans un camp de réfugiés, pas par charité ou humanisme, non, pour remplir donc les défilés de mode et puis les renvoyer si elles ne conviennent pas, c'est très mal. Les réfugiés grandes et minces, qui le sont souvent à cause de la malnutrition, ne sont pas là pour remplir les podiums à moindre coût et sans implication des agences. Mais il faudrait une réelle justice pour elles. Voilà. Eh bien, merci Yoni. Vraiment, c'est l'extension de cette fast fashion qui, avec ses excès et de la mondialisation galopante. Oui. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Eh ben, de toute façon, à Oxfam, on est très concernés par ces questions de... Des droits humains fondamentaux, droits humains, bien sûr. Puisque, bizarrement, Oxfam est né peu avant la création de l'ONU. Et parfois, on dit qu'Oxfam est une institution qui dépend de l'ONU. Enfin, une association qui dépend de l'ONU, proche de l'ONU. Oui, c'est vrai, l'ONU n'a pas de bras, comme j'ai déjà entendu. Et Oxfam est là pour aller sur le terrain, vérifier que l'aide humanitaire arrive au bon endroit et ne va pas dans les poches des intermédiaires, des préfets et des dictateurs et dans certains régimes. Donc, oui, Oxfam a toujours été porté sur cette question-là. Et ce que tu as raconté pour ces femmes noires, moi, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai entendu par Oxfam États-Unis sur la filière du poulet. des Mexicains qui travaillent aux États-Unis. Bon, on connaît la migration mexicaine vers les États-Unis. Eh bien, c'est des messieurs qui travaillent sur le traitement des poulets, des poulets qui passent devant eux, doivent les découper. Eh bien, certains messieurs mettent des couches culottes pour ne pas aller aux toilettes. Parce que s'ils vont aux toilettes pendant que la chaîne continue à tourner, ils sont absents de leur poste et ils peuvent être renvoyés. Voilà. Non seulement le poulet, c'est des poulets de basse consommation, c'est pas de la viande, c'est pas des poulets. Et en plus, c'est ces gens-là qui travaillent sur ces chaînes ne se respectent pas eux-mêmes. C'est affligeant, c'est affolant. Ouais. C'est clair. Ouais. Même pas de laisser une pause toilette. Non, mais voilà, ça, c'est l'excès du système que chez Oxfam, on combat. Dans cette deuxième partie d'émission, Yoni, je voulais te du haut de tes 18 ans, je voulais savoir comment tu percevais ce monde qui arrive. Avec une certaine éco-anxiété, je dirais. Peut-être le terme est un peu fort, mais avec tout ce qu'on entend sur le changement du climat, je suis remerciant tous les jours d'être dans la partie du monde qui fait partie des plus riches, en fait, ouais. Et qui va probablement être touchée, mais le moins par rapport à des zones qui deviendront inhabitables. Mais du haut de mes 18 ans, comme tu le dis, je me demande souvent quel genre d'action ma génération va porter, en fait, pour changer la donne, finalement. Ouais. Alors, je suis allé un peu chercher des documents par rapport à ces déclarations universelles des droits humains, qui est quand même quelque chose de fondamental après cette deuxième guerre mondiale, qui était une catastrophe humanitaire et mondiale. Eh bien, il serait temps maintenant de pas agiter ça comme un chiffon de papier ou un simple produit de communication ou un cheval de Troie pour le néocolonialisme, parce que souvent on met ça en avant. Qu'est-ce que c'est le néocolonialisme, pour les auditeurs qui ne savent pas? On pourrait rapprocher ça du nouveau libéralisme. Parce que tu as dit colonialisme. Mais c'est colonialisme dans le texte que j'ai sous les yeux. À un moment donné, on a enlevé, en France par exemple, notre casque de colon. Mm-hmm. Et selon l'expression, on a un passé qui ne passe pas, par exemple avec l'Algérie, ce qui se passe au Niger en ce moment. Oui. La France n'est pas... Voilà. Mais continue toujours de garder des relations. Voilà, et bizarrement sur du libéralisme en sous-main, quoi. Je veux dire, c'est pour au Niger, on sait bien que c'était pour négocier de l'uranium à l'époque où nos centrales ont démarré. Maintenant, il faut toujours de l'uranium. Donc c'est la relation que gardent les anciennes colonies avec les anciens colons, du coup. Ouais, c'est ça. Mais les puissances occidentales ont leur pays, leur pays sous la main, avec leur zone d'influence. D'accord. Je pense qu'en France aussi, on continue un peu beaucoup à faire ça. Enfin, voilà, mais je pense que le moment est venu de resserrer toute origine, je dirais, politique, spirituelle même, toute origine diverse. Toutes les professions et ne pas croire que la paix rime avec résignation. Il faut vraiment passer ce cap d'une communauté internationale qui fonctionne, parce que les résolutions de l'ONU sont régulièrement bafouées. Le Conseil de sécurité, si on pense à l'affaire en ce moment à Gaza, à Israël, il y a des résolutions de l'ONU qui remontent à 1963 et rien n'avance. Et là, pour le monde qui arrive, c'est assez inquiétant. Et puis, je conclurai aussi avec une phrase qui est toujours d'actualité de Jean-Marie Fardeau, qui est le cofondateur de Oxfam France Agir Ici, qui avait ce nom au début, il y a une trentaine d'années. Et il disait, 30 ans après sa naissance, la raison d'être de l'association reste entière. Certains mauvais esprits diront que c'est un signe de notre impuissance. Si nous étions plus efficaces, le monde serait différent. Tu reconnais qu'effectivement, depuis le temps qu'on martèle les mêmes messages depuis 30 ans, ça devrait faire bouger les lignes. Or, il se passe que dans la vie réelle, les forces qui tirent le monde vers l'abîme, c'est ce que dit Jean-Marie Fadeau, restent beaucoup plus puissantes que celles qui en appellent un changement de modèle et de développement. Donc il y a bien ces deux forces, enfin, c'est une force qui tire le monde vers le bas et nous autres, Oxfam avec d'autres, qui mettons ce contre-pouvoir et ce pouvoir citoyen, puisque c'est aussi un marqueur d'Oxfam que les citoyens du monde s'emparent de vraiment un réel pouvoir pour faire bouger les choses. Voilà. D'accord, Jean-Paul, merci beaucoup. Sur ce point, pour les droits humains et l'engagement d'Oxfam sur ce sujet, je te propose qu'on fasse une autre pause musicale qu'on avait prévue. Alors, quelle est la musique que tu as voulu passer? Quel est son titre? Eh bien, écoute, j'ai toujours eu un petit faible pour les musiques africaines, parce que là, on va se trouver dans la savane, carrément. D'accord, je lance ça alors. revenons après avoir écouté Morricone, donc la musique que vous venez d'entendre, et on va conclure en fait cette émission parce qu'elle touche bientôt à sa fin. Nous arrivons en 30 minutes. Oui, pour une partie agenda, Yoni, pour annoncer à nos auditeurs que le groupe local a fait venir, co-organise une soirée à la MJC Nomade à Vendeuvre le vendredi 17 novembre à 20h30, une conférence gesticulée, fin de vie, mais fin de vie, F-A-I-M. Voilà l'astuce. Il est conseillé de se présenter assez tôt. La salle n'est pas très grande. Cette compagnie belge est en tournée sur Nancy et nous avons réussi à la retenir au moins pour un spectacle tout public ce soir-là, qui d'ailleurs est le même jour, le même week-end que le Marché du Monde Solidaire, où vous pourrez nous retrouver, groupe local Oxfam, avec d'autres associations dans ce grand lieu du conseil du département à Blandan. Voilà. Merci beaucoup Jean-Paul pour cet agenda. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à suivre le groupe local Oxfam Nancy sur les réseaux sociaux. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. À très bientôt. Au revoir.